juste avant. Aujourd'hui, c'est un grand trou noir. Un rideau de cinéma vient d'être tiré sur sa mémoire. C'était un jour, peut-être un soir, c'est du passé, quelle est l'histoire? Elle était belle, toutes ses photos le lui rappellent. Comme dans un rêve, danse autour d'elle, qui sont ces gens? Ce grand monsieur, un bien bel homme, se tient debout à ses côtés. Sa robe blanche, cheveux coiffés, lui donne l'idée qu'elle est mariée. Alors pourquoi je dois vivre seul, sans plus personne à mes côtés? Et les enfants? Aucune visite pourtant. La dame qui vient dans la journée est trop pressée pour en parler. Et même celle-là, elle change tout le temps. Chaque jour un autre prénom, un autre ton. Personne n'est là pour lui parler de son vécu, de son passé. Une vie entière a disparu sans que personne n'ait rien vu. Et puis son chat sur son balcon est tombé pour un pigeon. A regardé par la fenêtre, assise au fond de son fauteuil. Passent les gens sans lever la tête, alors pourquoi je me lève pas? Pour les rejoindre comme mon chat, pour les rejoindre comme mon chat.